Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. David Ferron nous fera écouter de la bonne musique franco dans la langue dans ton oreille. François Landry nous parlera de politique dans son segment Logocratie 101. Et Joël Gagnon fera le tour des sorties à faire dans Alors on sort. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 21 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Aujourd'hui à l'émission, on a notre ami François Landry à 8h30 et sa chronique Logocratie 101. Et aujourd'hui, son sujet, c'est Fatima 2 couillards 0. Ensuite de ça, à 9h, on aura Joanie Gagnon et alors on sort la chronique de sortie d'art et spectacle. On va débuter l'émission par contre avec David Ferron. Bonjour. Ben bonjour, comment ça va? Toi, ça va? Ben très bien, oui. Super. Ben un peu nerveux. Nerveux parce que tu nous présentes une chronique particulière aujourd'hui. Oui, en fait, c'est toujours la langue dans ton oreille, mais là, c'est le même artiste, en fait, le même groupe que je présente. OK, veux-tu qu'on commence tout de suite, ça va se faire? Oui. On commence tard aujourd'hui. Donc, on va commencer, comme je disais, avec David Ferron. Bonjour David, pour vrai. Mais bonjour Mathieu, pour vrai. Voici la langue dans ton oreille. Petit Minou, oui. Il est content de te voir, le petit Minou. Oui, moi aussi, je suis content de le voir, le petit Minou. Oui. Il m'a manqué. Toi et moi, par contre, ça nous dérange peu. Là. Ça nous importe pas. Le Minou? Toi et moi. Ah. On s'en fout de se voir, ça? Non? Ben, t'as envie de dire que t'as pas envie de voir? Moi, j'aime ça te voir. OK, moi aussi. Moi oui. aussi. Oui, c'est plaisir. Yes. Je suis pas seul aujourd'hui. Donc, David Ferron, aujourd'hui, tu nous présentes un drame, une grosse pièce de théâtre, oui. Si on veut. C'est très épique, tout ça. Hein? Oui, en fait, je vais parler du parcours discographique des Trois Accords. Parce que derrière l'air de bonhomie que les Trois Accords se dégagent, en fait, ça relève beaucoup de drames existentiels, de questionnements, de douleurs physiques et psychologiques, des remises en question. Bref, les Trois Accords sous un nouveau jour. Ou sous le jour qu'ils n'ont jamais voulu dévoiler. C'est comme une autre nuit même. Ça a l'air dark tout ça. Oui, exactement. Donc là, on va commencer par écouter Saint-Cyril de Wendover qui va pas mal résumer ce que... En fait, ça va pas mal résumer ma chronique. Mais c'est la version western de Saint-Cyril de Wendover et non la version plus alternative qu'on entend dans Grand Champion international de course. Écoutons là les Trois Accords, Dark Side of the Moon. Oh. Notre bobsleigh à Saint-Cyril de Wendover. Ton absence me gruge. Depuis que j'ai plus de partner, je fais de la luge. À Saint-Cyril de Wendover, les hivers sont longs. Depuis que j'ai plus de partner, je fais du skeleton. Chaque fois que le frimant colle aux fenêtres, je revois ton numéro. Je souhaite qu'il y ait en bête ou je saute dans le bibelot. Quand je le vois apparaître, je me sens un peu plus au chaud. Chaque fois que le frimant colle aux fenêtres, je revois ton numéro. Je repense à la descente et puis tout s'arrête. Quand la plaque est cœur descend, te tombe sur la tête. Équipement en haut du podium. Quand j'y pense, j'ai un pacement en dessous du sternum. merci d'être là. C'est cool, honnêtement. On est super contents. Vous êtes beaux. Et nous, on joue seulement devant des belles personnes. Oui, ça important. Nous est arrivé souvent de canceller des spectacles. Dans le bout de... Non, je dirais pas carré. OK, ben là, on va vous faire le premier extrait de notre deuxième album. C'est une... Bon. Hein? Les gens beaux. Oui, c'est ça. C'est que dans mon texte sur les trois accords, en fait, avec Saint-Cyril de Wendover, version Ambo Country, l'espèce d'album de reprise de leurs deux premiers albums, mais version country, donc Ambo Country. Donc, la chanson Saint-Cyril de Wendover avec le petit texte ou leur petit monologue qu'ils ont fait, eh bien, ça résume probablement leur début de parcours, l'importance accordée au physique, l'ennui parce que la blonde n'est pas là puis qu'on est pogné en campagne. Bref, c'est tout ça que je vais vous parler, entre autres. Et là, je vais commencer par le rapport avec le physique. C'est comme une thèse, ton affaire. Hein? Qu'est-ce que... Mais avec pas de note de page. Okay. Ça vient juste de l'analyse. En fait, je sais pas si c'est de l'analyse littéraire. Faudrait que Stéphanie Paradis nous confirme ça. Ben oui. On lui demandera. Ben oui, c'est elle experte en littérature, ben en français, là, en linguistique. Oui. Alors, pour commencer avec les trois accords, c'est qu'au début de leur carrière, les trois accords ont un rapport physique trouble avec l'autre moitié. Par exemple, les problèmes physiques éprouvés quand le regard croise Lucille. De plus, le physique servait à décrire la nervosité, comme les dents qui sèchent et saignent parce qu'une copine vous attaque dans bateau. Toutefois, il y a un paradoxe. Dans « Oh, jolie fille », on veut la plus belle fille, alors que dans « Turbo sympathique », on accepte la personne telle qu'elle est parce qu'elle est sympathique. Ou encore « J'aime ta moustache », qui fait l'éloge de la moustache, et ce même avant le « Movember ». Il était quand même avant-gardiste. Oui. Autre exemple que le rapport avec le corps sur les deux premiers albums est assez trash. Par exemple, avec Bing Bing, où un conducteur survit à un accident et décrit son malaise de manière physique devant sa douce moitié ou son garagiste, selon comment on l'interprète. Mais moi, je dis douce moitié parce que ça... ça parce que ça fait avec l'histoire. Oui, exactement. À partir du deuxième album, les rapports avec le corps vont être plus complexes. Entre s'assumer pleinement comme on le fait depuis le premier album, mais là, il y a la douleur physique qui va s'accompagner de la douleur psychique et ça commence avec Gratte-moi sur Grand Champion international de course, ou la camisole de force. Et là, sur la camisole de force, je vais y revenir plus tard. Et les antidépresseurs font leur apparition. On est loin du temps où on réglait ses problèmes en faisant des bottes de mocassins avec des intestins. Mmh. Donc, mais là encore, dans Grand Champion, la violence physique, malheureusement, semble être la solution. Jean, ou comment casser des rotules pour se faire respecter. Et de plus, avec Grand Champion international, le surnom qu'on aime, ce n'est pas adorable, gentil ou de chamé, mais pièce de viande. Dans l'album Dans mon corps, les préoccupations physiques peuvent sembler plus anodines, comme la jeune adolescente qui a besoin d'approbation par la personne sur qui elle jette son dévolu, ou encore l'inquiétude quand on attend... Quand on attend chez le médecin, et là, on entend justement « bureau du médecin » pour démontrer une situation qui a l'air très... qui est très inquiétante, mais qui arrive souvent dans le petit. tanner la peau, se porte sur les os, sur toutes les photos. Dis-moi que ça ne sera pas long, que tu tiendras ma main jusqu'à ce qu'à la fin je parte pour de bon. Fais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin. C'était Bureau du médecin des trois accords. C'est quand même triste comme chanson. Oui. C'est d'écrire l'angoisse de quelqu'un qui attend chez le médecin, l'inquiétude. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mm. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On vit. C'est comme une espèce de huis clos intérieur qu'on vit avec le personnage principal. Tu trouves pas? Oui. Ben, y a vraiment des chansons comme ça, comme Clopelgag et La fièvre des fleurs. Ouais. Des chansons qui sont extrêmement tristes, mais chantées quand même sur un ton. Peut-être que ça n'est pas enjoué, mais quand même de bonne humeur. Tu l'écoutes quelques fois avant de te rendre compte de ce que ça veut dire. Oui, exactement. C'est quand même, c'est comme, par exemple, Stromae. Okay. Stromae, c'est... Alors, on danse, ça parle de chômage, de crise. Fait qu'on danse pour se mettre de bonne humeur. Oui, puis Papouteille, c'est quoi Papouteille? C'est l'absence d'un papa. Ah! C'est triste comme parole. Ouais. Ouais. Là, on parle du drame derrière les trois accords. C'est les trois accords behind... The bonne humeur. J'aime bien ça. J'aime bien la thématique. Moi, j'ai fait drame en trois accords, mais toi... Non, j'aime bien drame en trois accords aussi. Mais j'aime aussi en trois actes, mais c'est pas grave. Ah, c'est en trois actes. J'avais pas catché le lien entre trois actes et trois accords. J'avais pas compris. Ben, moi non plus. En fait, trois actes comme au théâtre, il y a comme trois actes. Fait, c'était par rapport à ça, mais en fait, dans le deuxième acte, si je peux appeler ça comme ça, c'est qu'à partir de dans mon corps, on slack les voitures, les cassages de dents et on arrête à tout prix de vouloir être viril à tout prix. Les trois accords font preuve de plus de gentillesse avec la gent féminine et là, on proclame même l'acceptation du changement de sexe. Avec elle, ça plaît Serge. On accepte l'autre dans son changement de sexe, évidemment, mais de plus, on se met à aimer la poésie. Ce qui n'est pas de passage, parce que cette passion-là de la poésie va se refléter dans « J'aime ta grand-mère ». Donc, la nuit de poésie 1 et la nuit de poésie 2 dans l'autre album « J'aime ta grand-mère ». Les trois accords deviennent romantiques en portant également le linge de sa douce moitié qui est partie au loin dans la chanson « La lune ». Et je vais citer le passage suivant. « Je me sens bien quand ta camisole me pète sur le corps ». Et là, je fais une petite parenthèse à propos du camisole encore une fois. C'est que dans Gratte-moi, la camisole de force était un élément de torture alors que de retour à l'Institut de leur dernier album, on est prêt à la remettre par amour. Mmh. De plus, être trash et violent, ça devient répréhensible et au diable le conformisme. On n'est même plus avant-gardiste, on l'était avec la moustache, avec J'aime ta moustache, mais là, on l'est même plus et encore moins à la mode. Alors que la mode Twilight faisait rage à l'époque, en 2009, donc quand ils ont sorti Dans mon corps, les trois accords décident d'aller en contre-courant et réprimandent les vampires qui mangent le cou de leurs voisins. Cette fois-ci, on ne peut plus nécessairement être n'importe qui et faire n'importe quoi. Le temps de l'insouciance et de la volonté d'être hot est révolu avec croquer des coups. Ah, ma préférée. Oh oui, elle est drôle, j'en reviens pas. De plus, mais non, c'est vrai, faut pas qu'elle soit drôle. Elle est tragique, ça. Ça oui. Parle des gens qui veulent être différents, mais qui se font pas accepter. C'est quoi, tragédie-comique, le tragico-comique? Il y a un mot pour ça, en tout cas, ouais, c'est ça. Oui, tragico-comique, exactement. Mais là, c'est tragique, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer en tant que vampire, mais qui se fait réprimer, c'est quand même plate. Là. Ouais. De plus, même la manière d'être prêt à se sacrifier se fait de manière plus tendre, et ça se confirme dans l'album « J'aime ta grand-mère avec son visage était parfait ». Et là, je vous lis un extrait. « Quel est le poisson du jour sur le menu de l'amour? Je vais être de retour dans le buffet. » C'est romantique, oui. Là, à vous. Quand tu y penses, oui. Oui, c'est très romantique. J'aimerais seulement être un poisson dans leur menu. On a le goût de Quelle devenir un poisson. Quelle sorte de poisson tu voudrais être, toi? Un saumon. Un saumon. Parce qu'il ne faut pas trop réchauffer trop vite. Il faut y aller tranquillement. Pas saumon Fitzbay. Mais non. Mais lui, c'est quelqu'un de très chaleureux. Oui. Ben oui, on aime Simon. Mais ça, avec un petit peu de sauce tartare. Ah, ça, je sais pas, je te laisse faire. OK, on laisse faire. Okay. Oui, donc, pour finir, on trouve encore, c'est que dans, en plus, dans la chanson Pull Pastel, les animaux ne finissent plus morts, tués ou délaissés comme dans peau de fleurs. Mais on les respecte davantage. On se contente de prendre la laine pour faire un chandail à sa douce moitié. Et là, on croit que l'amour est dans le pré. C'est pas simple que ça. Là, on va écouter Pull Pastel et je vous explique pourquoi l'amour n'est pas nécessairement dans le pré. C'était Pull Pastel des trois accords tirés de leur album Grand Champion International de course. Ils sont vraiment bonnes leurs chansons, pour vrai, les trois accords. Oui. On s'entend là-dessus. Oui, c'est entraînant, c'est de la bonne mélodie quand même. Là. C'est réussi. Pis ça vieillit bien quand même. Oui. On s'entend pas. Non. Puis là, je vais vous parler finalement du rapport avec la campagne, la nature et l'international. On rappelle que c'est toujours les trois accords, drame en trois actes. Donc, avec le Grand Mammouth album, on trouve que Rimouski, c'est loin quand on s'ennuie de sa douce moitié. Mais on voudrait aller avec elle à Hawaï parce que la vie serait plus simple là-bas. Mais peu à peu, les trois accords affirment leur amour pour leur milieu, environnant ou centré sur le Québec. Que ce soit près d'un lac ou même dans une institut psychiatrique. Parce que même si des gars rêvent d'évasion au début de leur carrière et que quand la douce moitié est loin, quand on pense à Saskatchewan ou encore à Saint-Cyril-de-Wendover, ce lieu rural peut s'avérer un endroit où l'ennui règne. La preuve, et je reviens à Bac à fleurs, les animaux de la ferme se font laisser mourir par un homme qui s'ennuie de sa femme. Donc, il néglige les animaux de la ferme parce que la fille est partie, là. Non. Donc, par contre, ce rapport avec le fameux champêtre québécois peut s'exprimer de manière postmoderne, c'est-à-dire tout mélanger, tous les espaces et toutes les époques. Et là, je prends méga photocopie. Les deux tourtereaux sont heureux autour du parc maternologique, mais ça n'empêche pas de penser aux Iroquois qui dansent de manière heureuse. Bref, relier technologie et histoire du Québec en une seule phrase, quand même, faut le faire. Là. C'est génie. Oui, faut avouer là, qu'avoir deux idées aussi contrastées sur l'identité québécoise, rejoindre quatre siècles en une phrase, faut le faire. Mm. Et sortir des frontières telles qu'on l'a vu avec Hawaïen est un terrain qui semble porteur d'espoir et d'accomplissement personnel. Donc, on s'envole vers le monde où, dans Gratte-moi, la sauce hindoue soulage la douleur physique. Aussi à Tokyo, on peut se mettre tout nu sans complexe dans tout nu sur la plage. Tout nu sur... Ça, c'est pas l'extrait qu'on écoutait, là. Ça, c'est pas vraiment la chanson. C'était David qui l'imitait. Oh, oui, exactement. C'était proche quand même de la vraie. Hein, ouais, moi, elle est encore plus au perché. Le pitch est encore plus élevé. Mais... Ça réveille les chiens partout dans le voisinage. Bonjour, Pitou. Tu Par contre, quand la douce moitié prend l'avion, là, c'est le drame. Mm. On est même prêt à laver son linge sale. Non pas pour régler ses comptes, mais plutôt pour oublier l'autre moitié. Genre, j'aimais que tu sentes mes gants, mais finalement, vu que t'es parti, je vais les laver. Oh. C'est triste quand même. On est prêt à changer son mode de vie parce qu'on est prêt à oublier quelqu'un qu'on aime. C'est triste. Ouais. Là, maintenant, je vais faire un croisement entre la vision du monde et l'amour avec Personne préférée. La pièce Personne préférée, qui ouvre l'album J'aime ta grand-mère. Parce que ce qui est important, c'est la personne elle-même. Donc, dans le temps où que le physique était quand même assez important. Là, maintenant, désormais, c'est que la personne elle-même, c'est celle qui l'emporte haut la main sur le cube Rubik et la nature. Bref, ici, on confirme que la nature sert à rien sans amour. De plus, dans les amoureux qui s'aiment, plus question de laisser partir sa douce moitié, on est prêt à franchir les lignes avec cette personne. Et cette fois-ci, on combat non seulement la distance, mais la nature qui ne peut plus rien contre deux personnes qui s'aiment. L'attitude change par rapport au lien entre la nature et l'amour. On est beaucoup plus combatif, beaucoup moins complaintif. Et là, je vous cite un passage justement des amoureux qui s'aiment. Des oiseaux en page, des roches en chandelle, des tornades en cage, des amoureux qui s'aiment, des poèmes en sel, des rallonges de plage, des pluies éternelles, des états sauvages, des amoureux qui s'aiment. Ouais. On courait du Baudelaire. Oui, ben c'est ça, c'est très poétique. Hein? Ouais, quand même. Et là, pour continuer avec l'album J'aime ta grand-mère, on peut affirmer que c'est la réconciliation avec la nature, telle que le démontrent les pièces Mamboula ou Sur le bord du lac. Finalement, on arrête de s'emmerder et on assume qu'on est dans la nature et on s'amuse avec. De plus, même quand la personne aimée s'éloigne, on ne se plaint plus, comme je viens de le dire, mais on essaie de trouver satisfaction avec la nature, qui n'est plus vu comme un mouroir. Bien sûr, se toucher dans le parc n'est pas la meilleure solution, mais au moins, il y a un début à tout. Aussi, tout au long de leur discographie, l'évasion pour s'exprimer avec des objets. Une voiture automobile, une fusée ou même une caméra vidéo où enfin quelqu'un s'intéresse à ce qu'on fait. Mais la solution finale, finalement, c'est pas être en amour dans la campagne. En fait, la solution finale, elle se dit même au premier album, la solution finale pour combiner nature, évasion, exotique et amour. Est-ce que tu sais c'est quoi, Mathieu? Non, qu'est-ce que c'est, David? En fait, avec la chanson « Lustre du cru », c'est l'imaginaire. L'imaginaire permet de combiner tout. Et on va l'écouter maintenant. Je suis seul dans ma tête. Je cueille des œufs et des framboises que je dispose sur une chinoise. Une chinoise. Et je vois bleu. C'était l'ustu cru des trois accords. Et là, quand tu dis l'ustu cru pendant. Tu sais, pendant tu le dis 10 fois, essaye de le dire l'ustu cru pendant 10 fois. Là. Ça fait un exercice de diction. L'ustu cru. Mais c'est pas le prénom Lus, là. Non, c'est non. L'ustu cru, comme dans. Tu sais, peux-tu croire ça, t'sais? Non, c'est pas Lus et tu cru. Lus et tu. Genre tout nu, là, t'sais. Tout cru sur la plage. Ah ouais. C'est le cover tout cru sur la plage. Ça doit être ça. Bref, est-ce que ça termine ton drame en 3 actes? Oui, je pense que j'étais assez déprimant comme ça avec les 3 accords. Je trouve que tu as vraiment bien fait ça. Sérieusement, David, si je peux m'exprimer ainsi, là, je suis merci. Impressionné par ta chronique. J'ai adoré non seulement le concept, l'exécution et le texte et la façon de le dire et les chansons choisies. Pour vrai, mes hommages, man. Ben, merci beaucoup. Je savais pas que tu me complimenterais de même. Ça m'arrive quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment bien de complimenter, autant que quand quelque chose me dérange, je le dis aussi. Ah ouais? Ouais. Wow, mec. Puis là, après ça, ils vont pouvoir me parler dans le dos quand je suis pas là. Hey! Oh ben, là, je complimente, puis tu prends ça comme ça, je le ferai plus. David, t'es drôle. Oui, Ferron. Oui. La langue dans ton oreille. Oui. On te retrouve chaque semaine, tous les jeudis. D'habitude, c'est à 8h. Oui. On te revoit dans ta case normale la semaine prochaine. Oui, puis là, ça donne que Jean-Philippe n'est pas là cette semaine. Fait que je me dis, je vais commencer l'émission avec toi pour remettre du soleil dans ton cœur. T'es fin, puis tu restes avec nous un petit peu. Si tu veux. Ben oui, mais en que je veux. Oui. Mais là, je sais pas, je vais faire une chronique comme les 3 accords comme j'ai fait, parce que c'est quand même beaucoup de préparation. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Évidemment, je t'ai donné des compliments, fait que ça va te donner envie de refaire la même chose. Mais tu sais, ça peut être quelque chose de vraiment, ponctuel, une fois par whatever. Tu prends un groupe qu'on aime tous, puis qu'on. Ça serait bon. Oui, je peux essayer de comprendre la profondeur psychologique ou les conflits interpersonnels avec les paroles d'André Waters. On peut moins la jouer, par contre, celle-là. Justement, c'est pour ça que je ne fais pas une chronique sur elle. Parfait. Ah, c'est méchant. C'est comme de l'eau sous les ponts. C'est gratuit, comme commentaire. Non, ça coûte rien. Par contre, ce qui n'est pas gratuit, c'est notre station de radio, donc on se retrouve après la pause. Ouais! CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce jeudi 21 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et toujours avec David Ferron comme co-animateur invité aujourd'hui. Très bonjour! Ah, ça c'est pas... Je reconnais pas David dans cette voix suave. Ça c'est un chien. Attends un peu, quel chien est-ce que je connais dans la vie? Je connais Bruce. Je connais Butch. Non, c'est pas ça. Ah, je connais... Ah, Dill Pickle! Oui! Ah, Dill Pickle! Mathieu, mon nonos, Oh, mon nonos, Oui! OK, je sais pas ça. Je veux mon nonos! Non, t'auras pas mon os. Il rentre pas dans ta bouche. Adil, calme-toi, Adil Pickle. Oui. Calme-toi. Bon, excuse-moi, là, Adil, il est arrivé. C'est-tu un gars, Adil? Je pensais que c'était une femelle, ouais. Ouais, je sais pas, ça dépend de son humeur. Ça dépend, oui. Ben, c'est comme un cornichon, hein. Ça dépend de l'humeur. Des fois, il est à la nette, des fois, il est sucré-beurre. Ouais, exactement. Des fois, il fait la nette, des fois, il fait le plus cornichon. Moutarde de Dijon, Dijonnaise, ouais. C'est ça? Oui. Ah, des fois, il fait le plus la moutarde à jeune. Annette ou jeune. Il y a quelque chose de pas net là-dedans, quelque chose. Non. Ben, pas mal. Donc, Adil Pickle, qui est notre chienne mascotte, presque l'assemblage requis, personnage récurrent, que David est en train de flatter en ce moment, pas de fouetter, parce qu'elle aime moins ça se faire fouetter. Ah, ok. Ah. David, j'ai dit de pas fouetter. Non, elle est en train de blesser un chien, ça va finir à l'hôpital, là, puis on n'a pas besoin d'une autre absence aujourd'hui. Hey, elle m'a mordu le doigt. Ramasse son doigt. Ah, lève-le. Ok, parfait. Ça, c'est un bout de papier. Ah, oh! Où est mon doigt? Ça jute le sang. Oh non. Oh, c'est où est mon doigt? Où est mon doigt, Mathieu? Je cherche mon doigt. Odile, qu'est-ce que t'as fait de mon doigt? Odile ou Asile? Faudrait que je la mette dans un asile. C'est ça, Asile Pickle? Oui. Tellement. Tellement. J'ai plus de sang. Et fin de la scène. Et on se penche par en avant. Applaudissements et la canne vient chercher David par le cou. Donc, dans quelques instants, on fera les instructions d'assemblage. Mais avant, on s'en va entendre une pièce que David, tu nous as demandé. En fait, c'est toi qui pistonne des pièces pour le palmarès francophone une fois de temps en temps. Ben, ouais. Anglophone aussi, je pense. Oui, avec Miss Mister aussi, je la pistonne vraiment pas. Je la fais vraiment pas jouer dans mon émission Brancher le monde. À toutes les 17 heures, comment plugger une émission? À toutes les 17 heures. Je trouve qu'il y a 17 heures dans le monde. Peu importe la zone horaire, ouais. C'est Brancher le monde. Ça de le dit, façon, hein? Sur TuneIn, ça passe en même temps. Non, mais tu devrais faire serait ton émission, une émission spéciale, OK, de Brancher le monde, OK? Ouais. Suis-moi, là, c'est une idée de Jamie, là, OK? Tu me suis? Donc, tu fais Brancher le monde à 17h dans chaque zone horaire, OK? Donc, la journée, de toute façon, assez fou, il n'y a pas grand-chose le dimanche. Donc, tu fais ton émission à 17h heure de l'Australie. Tu la fais à 17h heure de France. Tu la fais à 17h heure du Royaume-Uni. Tu sais, tu comprends? Fait que là, tu as fait tout le temps. Oui, il y a 24 fuseaux horaires. Oui, hein? Ouais, ben, c'est 24 heures entre minuit et minuit, les deux dimanches. On n'a aucune émission sauf la tienne puis une reprise des palmarès. Hein? Ben, ça, je mettrais plus de reprises des palmarès parce que ça, c'est vraiment cool comme émission. Puis d'ailleurs, c'est tout à l'heure à 15h, oui. Ça, le palmarès avec Stéphanie. C'est vrai, une nouvelle édition, un nouveau top 40. Ça va être fantastique. Hein? C'est quoi ça? Je suis curieux. T'es curieux? Il y a la feuille de... où sont les feuilles? On cherche des feuilles et on les passe pendant qu'on écoute Violette Pie, qui n'est pas une nouvelle entrée du palmarès là, mais qui va sûrement l'être bientôt parce qu'on a l'album Eve de Violette Pie. Et tu nous as choisi une chanson que toi, tu veux pistonner, que tu trouves vraiment excellente, hein? Bon, on va voir si vous l'aimez. Si les gens l'aiment pas, ben, on la pistonnera pas. Quel est son titre? C'est Geoffrey Dahmer au Musée d'art contemporain. Assemblage requis sur Sifu. Violet. sur ton ventre et déguste ton regard tel est comme notre amour est cannibale. Je mange ta peau. Mange ma peau, car je ne peux plus être moi. Tu veux manger mon corps, mange mon corps. Mange ta peau, car tu ne peux plus être toi. Il faut manger ton corps, manger ton corps. Manger ton corps est-il absent au musée d'art contemporain? Manger ta peau, car tu ne peux plus être toi. Il faut manger ton corps. Mange ma peau. Mange ma peau. Mange ma peau. Mange ma peau. Chaque jour je rentre à la chocolaterie. C'était Violette P et Jeffrey Dahmer au Musée d'art contemporain avec Ngabo. Oui. C'est un featuring, ça, j'imagine. Oui, pis oui, exactement. Ngabo aussi, que si vous aimez des chansons plus pop, mais pas pop énervante, acidulée, mais pop folk, écoutez Cruche de miel. C'est l'album de Ngabo ou c'est une pièce de Violette P? C'est une pièce de... Non, en fait, c'est une pièce de Ngabo, le chanteur qui chante avec sa voix grave. Ça s'appelle Cruche de miel, je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'album de Ngabo, mais je pense que ça s'appelle Cruche de miel, justement. Okay. Donc, écoutez la pièce Cruche de miel, c'est vraiment excellent. Ça va vous rester dans la tête pendant au moins deux jours. Je retiens ça. Au pire, on l'écoutera plus tard dans l'émission, si t'as envie. Pas, ouais. Mais pour l'instant, premièrement, accueillons François Landry, s'il le veut bien. Bonjour. Bonjour. Je suis là, oui. Oui. Moi, j'ai besoin de deux personnes pour remplacer JP. Donc, toujours. Tu vois, je t'accueille. Il est tellement irremplaçable que ça prend plus de personnes pour le combler son vide. Bon, en tout cas, il essaie de se faire remplacer. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça résume ma vie. Donc, instructions d'assemblage, on vous présente les trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. Et François Landry et David Ferron vont m'aider à analyser chacun de ces faits-là pour comprendre si c'est vrai qu'on peut faire ça. Par exemple, se coller avant d'aller se coucher, c'est 12 fois plus efficace que les pilules pour dormir. Oui, je confirme. OK. Oh, que oui. T'es un colleux, toi. Ouais, moi, okay. Ou qui se fait coller. Ça soit mon chat, ma blonde, là. Faut que je me colle. Ah, ça précise pas. J'avoue qu'un chat, ça se colle bien. Oui, aussi. Ouais. Mais un chihuahua, par contre, c'est mignon, un chihuahua, mais ça t'aide pas à dormir tant que ça, par contre. Ok. Ça te lèche tout le temps. Faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit de coller. En faisant pipi dans la douche, tu peux économiser environ 1157 gallons d'eau par année. Je confirme. Wesh. Je les ai comptés. J'ai pissé dans la douche, dans des pots. Je les aligne sur le bord de la laveuse sèche. Pis là, tu dis, tiens, chérie, du jus de pomme. Non. Ouf, là, c'était pour faire ça, je vais ramener JP, non. OK. Il va se ramener de ça. Ensuite, allons-y avec celui-là. Du melon d'eau trempé dans de la tequila et ensuite plonger dans du sel, du gros sel, tu sais, qu'on appelle du gros sel. Ça va faire une margarita qu'on peut manger. On va essayer ça. Pas pire. Intéressant. Melon d'eau avec du sel. Le sel, on sait que ça sale pas nécessairement. Ça fait juste rajouter de la saveur. Ça fait intensifier la saveur. Ça, on aime ça. Ensuite de ça, on dit de coller une roche au bouchon d'une bouteille de pilule, OK? Et t'enterres ça dans le sol. Et comme ça, tu peux, ça va faire une faute. Tu sais, les clés que tu peux cacher dans une roche, là, sauf que ça, ça a l'air fake parce que c'est une roche en plastique. Ouais. Alors que là, si tu colles ta roche à une bouteille de pilule, tu peux mettre une clé dans ta bouteille de pilule et ça va vraiment avoir l'air d'une roche quand même. Tu comprends? Tu fais un trou dans le sol, tu vas pouvoir insérer ta bouteille de pilule avec une roche dessus dans le sol. Personne ne va savoir qu'il y a une bouteille de pilule collée après. C'est comme un petit peu compliqué, là. Ben non! Puis pourquoi une bouteille de pilule? Ben parce que c'est un contenant étanche, ouais. OK. Et assez grand pour mettre une clé. Ou autre de genre, fait comme tout le monde met la clé en dessous du tapis. Puis... Non, mais justement, les voleurs le savent, ils regardent. Non, ben. Tu sais, en dessous des tapis, dans la boîte à mal, dans le barbecue, ils savent tout ça. Ben là, ça me tente pas qu'ils revirent toutes mes roches de mon parterre. Mais si t'en as 1000, les chances qu'ils tombent dessus, ils vont abandonner. Les voleurs sont assez cons qu'ils vont le faire. OK, peut-être. Hein? Bon. J'ai pas l'esprit d'un voleur. En tout cas, bref, colle chaude, super colle, et une bouteille de pilule. Ça fait un job. Ensuite, quand vous mangez de la pizza. On mange la pizza de temps en temps? Toujours. En fin de semaine, samedi, j'espère en manger. virer la pointe à l'envers, un peu comme on a déjà parlé pour les rôtis, pour avoir plus de beurre sur la langue. Si tu vires la pizza à l'envers, tu vas avoir plus de fromage. Oh. Sauf que là, évidemment, ça va tout tomber, là, dépendant de où tu prends ta pizza, parce qu'il faut que le fromage soit pogné après la croûte. Il y a des pizzas qui mettent beaucoup trop d'affaires entre, là, tu sais, ça. Ça glisse. Mais bref, à l'envers, ou au pire, coupez-la avec votre couteau et puis prenez la bouchée à l'envers. Ouais, meilleur truc, merci. Meilleur truc, j'aime mieux ce deuxième truc. Ensuite de ça, si prendre une douche froide, ça a des avantages. Hein, ça va renforcer votre système immunitaire, ça va nettoyer votre système circulatoire, améliorer la circulation du sang, ça va enlever les toxines dans tes organes. Est-ce que je traduis correctement? Vous me dites aussitôt que je dis un mot tout croche. Ça va réduire la pression sanguine, ça va faire une contraction des muscles, ça va donc éliminer encore une fois des toxines, ça va renforcer le système nerveux. Donc, douche froide, on nous conseille ça. Je peux comprendre le concept, c'est dès que c'est froid, tu te garoches en dehors de la douche en gueulant comme un malade. Vraiment. Ça t'active le corps. Mais moi, c'est ça, j'ai ce problème-là parce qu'on prend notre douche une après l'autre, un après l'autre, à la maison, avec ma copine. Et je manque tout le temps d'eau chaude. Oui. Fait que je finis tout le temps avec de l'eau froide. C'est pour ça que je me lève 5 minutes avant. C'est, tu vois, le principe. Je connais ça. Mais, mais aussi, ça fait une plus belle peau. Oui. Oui, ça le dit pas, hein, parce que, en effet, une plus belle peau. Ouais. Oui. Moins de points noirs et autres. Ensuite de ça, tiens, excellente idée. Prenez une baguette de pain, okay, assez large quand même. Videz la mie à l'intérieur pour garder que la croûte. Insérez-vous une bouteille d'eau ou peu importe, ou même d'alcool peut-être. Insérez-la dans le pain. Comme ça, quand vous allez au parc, vous allez pouvoir boire de l'alcool, mettons. Je m'imagine très bien au Centre Bell avec ma baguette de pain. Ah ben, je suis français. Je suis français. Tu te déguises en français. Là. Ça veut dire quoi, se déguiser en français? En tout cas. Être chiant. Ben, c'est ce que j'allais dire, mais bon. On peut être au Québec et être chiant? Non, on est critiqué au Québec. Ah, OK. Tu vas nous en faire des exemples tout à l'heure, de toute façon. On est trop, on le prouve. Perdre une nuit de sommeil, ça va défaire un peu ton raisonnement et ton cerveau pendant 4 jours. Mmh. Donc, ça prend 4 jours avant que tu te rétablisses d'une nuit perdue de sommeil. Ensuite de ça, si tu essaies d'arrêter de fumer, va à un sauna 3 jours de suite. Tu vas suer la nicotine qui est à l'intérieur de toi et ça va être plus facile d'arrêter de fumer. Arc! Ouais. Je sais pas. Pas sûr. C'est ce qu'on nous conseille sur Internet, mais évidemment, tu sais, C'est Internet. C'est ça. Mais... Non, on se met à fumer, les gars, okay. On l'essaye. Un test. Un test. Demain. Tester sur des. Des humains. Des humains. Bon, un humain. Bon, je pense que oui. Peux essayer sur le chien de. Ouf! Ouais, je fais la belle, j'en parle. Si toi, à nettoyer du vomi. Ah. On est dans le main party. On est toujours dans le main party. Bref, je pourrais faire une autre pin ici, mais je me retiens. Donc, si tu veux nettoyer du vomi, mets du café dessus en premier, donc du café moulu. Ça va enlever l'odeur et déshydrater le vomi. Comme ça, tu vas pouvoir le balayer facilement. Puis l'envoyer dans le percolateur après pour se faire un café. Et voilà. Et ça revient. C'est récupère. Le cycle de la vie. Comme dans... Là, voyons. Hakuna Matata. Parlant d'Hakuna Matata, tu m'emmènes à Disney. Oh. Disney qui va remplacer n'importe quel vieux DVD ou cassette vidéo endommagée gratuitement. C'est louche. Ouais, c'est louche aussi. Ouais, je le trouve aussi. Mais bon, on peut l'essayer. Pourquoi pas? Disney. Il y a Apple Care, il y a peut-être Disney Care. You know? Si tu tousses la nuit, mets du Vicks Vaporub sur tes pieds et mets des bas. En quelques minutes, on dit que tu vas arrêter. Tu sais, tu vas glisser sur le plancher. Mets tes dents tes bas. C'est correct. Ok, ouais, mais quand même. Ça pourrait passer au travers. Ouais. Dépendant si tes bas sont épais. C'est jamais épais, ouais. Il y a des choses qu'il faut essayer comme ça qu'on sait vraiment pas si c'est vrai. Débarrassez-vous d'un double menton lors de prise de photos en penchant votre tête par en bas. En penchant votre tête par en bas et en avançant. C'est là qu'on les fait, les mentons. Et en avançant un petit peu, tu sais, c'est que tu penches. Là, je le mets ma radio. Vas-y. Tu penches un petit peu ta tête par en avant. Comme ça. Comme ça, l'appareil photo va prendre avec ton. Avec la lumière, ça. La lumière. Okay. Ben, tu sais, j'ai un exemple ici sur la petite photo sur. Hey, joli. Oh, c'est pas la même fille, certain, ça. Ben, en tout cas. Je suis pas sûr. Hey, non. Non? C'est même pas photoshopé, là. C'est ce qu'on dit. C'est louche. C'est Internet. Il n'y a rien de vrai là-dessus. C'est quand même. C'est ce qu'on nous dit. On va terminer avec celui-là, tiens, de mettre un faux autocollant, pas un faux autocollant, un vrai autocollant, mais avec un faux numéro d'identification personnelle, un NIP sur ta carte de débit. Comme ça, si tu la pars, quelqu'un va essayer le PIN, le NIP, et après trois fois, la machine va manger la carte. Ça, c'est un bon truc, merci. Tu vois? Fallait que je finisse sur un vrai truc. Non, ça l'est efficace. Tu sais, bullshit avant, puis après ça, tu finis avec un vrai, puis les gens retiennent juste le dernier. Oui. C'est correct? Ou mettre ta carte de crédit collée sur un pot de pilule avec le code dedans. Oui, c'est bon ça. Au retour à la chronique Logocratie 101 avec François Landry. Reste là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 21 novembre 2013. Il est 8h29 et je m'appelle Mathieu Plante, toujours avec David Ferron aussi. Ouais! Ouais! Yeah. Et François Landry? Ouais! Oui. C'est d'inspiration véritable, mais t'as pas l'air d'avoir autant viril. Envie de le faire. Ouais, c'est ouais. Ça. Viril. Ouais. Rock on. On parlait d'affaires de vrai gars, genre de la politique. Ouais. Hey, Yael. Hell yeah. C'est-tu Yael? Yael. Yael, comme la chanteuse. À cause des garçons. S'il vous plaît. Oh. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Et aujourd'hui, dans Logocratie 101, François Landry, on parle de Fatima 2, Couillard 0. Voilà, Fatima 2, comme dans un match de hockey. Puis à 3, elle gagne. Tu sais, un 2-3. Ou un 3-2. Okay, oui. Ouais. C'est comme au roche-papier-ciseau, là. Genre. Ouais. Donc, oui, Fatima Houda Pépin, la députée très connue pour au Parti libéral du Québec, la seule musulmane à l'Assemblée nationale, okay. Amir Kadir n'étant pas musulman. Mm-hmm. Donc, c'est la seule qui représente cette communauté-là. Donc, depuis des mois, les libéraux redoutaient une éventuelle sortie publique de leur collègue Fatima Houda Pépin, femme d'origine marocaine. Elle a souvent lutté contre l'intégrisme. Elle avait mené la charge contre ceux qui voulaient implanter les tribunaux islamiques au Québec. C'est elle qui avait monté aux barricades vraiment avec la rage, l'écume à la bouche pour dénoncer ça. Puis finalement, ça avait passé. Donc, les tribunaux islamiques n'ont pas le droit d'exister au Québec, contrairement à l'Ontario, où ça existe. Okay. Donc, ses positions tranchent souvent avec celles de son parti. C'est que la dame n'a jamais été reconnue au sein de son parti comme étant une joueuse d'équipe. Et son opposition au voile islamique était devenue une bombe à retardement au sein du caucus libéral. Parce qu'on sait, la fameuse charte des valeurs blablabla bla bla bla bla bla du Parti québécois, c'est trop long à dire en long, on n'a pas assez de temps. Ils veulent interdire le voile, le port du voile et des autres signes ostentatoires issus de la religion. Et elle est contre l'intégrisme religieux et contre le voile et tout ça. Donc, en théorie, elle serait pour la charte. Oui. Mais comme elle est libérale, elle n'a pas le droit d'être pour la charte. Non. Parce que ça ressort des rangs. Donc là, on l'attendait. Oui, puis sur les réseaux sociaux, il y avait une campagne pour dire qu'est-ce que Fatima en pense. Donc les péquistes s'énervaient beaucoup sur les réseaux sociaux. What the Fatima says? Ring, ding, ding, ding, ding, ding. Faisait ça, je regarde. Ça serait un bon jingle, ça. Ça serait bon. Donc. C'est moi que les grandes gueules l'ont fait.

La pièce Painful Like de Ostra à Assemblage Requis, toujours avec moi-même, Mathieu Plante. Et maintenant, ben, je suis rendu seul et on va continuer avec une deuxième partie des instructions d'assemblage qu'on a commencé tout à l'heure. Petit piano qui commence. Donc, commençons avec celui-là. Dans les magasins et les parcs d'attractions, on nous dit que les foules ont plus de chances de tourner par à droite. Psychologiquement parlant, on tourne plus à droite dans la vie. J'imagine plus pour les droitiers que pour les gauchers, parce que les gauchers vivent tout à l'envers, vous avez remarqué, si vous en connaissez. Donc, on nous dit que les files qui sont à la gauche ont moins de chances d'être vraiment embourbées de gens. Donc, on nous dit, à l'épicerie, prenez la file qui est le plus à gauche, sauf la caisse express, j'imagine. Donc, essayez ça comme principe de vie. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer clairement et adéquatement un concept à un débutant, c'est que tu ne comprends pas toi-même assez le sujet, donc laisse tomber. T'sais, essaie pas d'enseigner quelque chose à quelqu'un si tu connais pas assez le sujet. Tantôt, on m'a demandé une question sur les bitcoins. François Landry me demandait qu'est-ce que bitcoins. Je connais pas assez ça, donc je lui ai dit dès le départ, voici ce que j'en sais, mais on est à peu près au même niveau sur les bitcoins. C'est compliqué comme sujet, j'essaierai pas de l'expliquer. Et il devrait se retenir à certaines stations de radio aussi, parce que pour vrai, ils sont pas très bons pour expliquer. Ensuite de ça, si t'es capable de choisir un sujet pour, par exemple, un exposé ou un texte que t'as à écrire pour l'école, choisis-en un qui te rend furieux, qui te rend genre fâché, et tu vas être capable de chialer pendant des heures, ça va être super facile d'écrire à ce sujet-là. Mettre ton téléphone cellulaire sur la sonnerie à la place de vibration, ça va presque doubler la vie de la pile. La vibration tue la batterie très rapidement. Donc, je ne savais pas ça, mais moi, les sonneries me gossent tellement... Je suis même pas capable de les soutenir dans ma vie. Si tu veux rapidement trouver voilà, attends un peu. ouais, ok, oui, c'est ça. C'est un problème avec ton ordinateur, la difficulté à trouver la solution. On dit allez sur un forum et inscrivez-vous avec un nom qui sonne très très fille. Les gens vont se pitcher sur toi pour essayer de te répondre. Donc c'est croche un peu, mais j'aime ça. Ensuite de ça, tiens, les collations à 100 calories qui remplissent le plus. Tiens, on nous dit donc des petites suggestions de collations pour te remplir, pas que tu aies envie de manger du chocolat ou des chips. On dit deux tranches de jambon extra maigre, ainsi que deux cuillerées à table de fromage à la crème fouetté léger. Bon, quand même, pour vrai, au goût, c'est très bon. Ensuite, deux cuillerées de guacamole légère et accompagnées de deux bouts de céleri tranchés, deux grosses têtes de céleri, comme on appelle ça. C'est pas comme une tête de salade, une tête de céleri, ça se dit. Bref, un pied de céleri, je pense le nom. Ensuite, prochaine suggestion, c'est 3 onces de crevettes cuites accompagnées de 2 cuillerées à table de sauce cocktail. Miam. Ensuite, une once de fromage de chèvre accompagnée de une demi-tasse de concombre tranché. Mm-hmm. Puis deux œufs cuits durs tranchés. Je ne sais pas pourquoi on précise de le trancher. Ah, peut-être pour l'accompagner de sel, de poivre et de paprika. C'est l'accompagnement pour aller avec ça. Ensuite, une demi-tasse de fromage cottage sans gras, accompagnée d'un quart de tasse de bleuet. Il y en a quand même pas mal sur la liste. Hein? Une tasse de votre bouillon de soupe préféré, accompagnée d'un jus de citron frais. Mm-hmm. Une tomate en tranche, plus un once de mozzarella frais. Est-ce qu'on dit un mozzarella frais? En tout cas, accompagné de sel et poivre, ainsi que d'une cuillerée à table d'huile balsamique. Et là, il y en a un paquet d'autres. Je vous laisse aller voir la suite sur assemblagerequis.com. Allons-y avec celui-là, tiens. Un genre de Capri Sun, vous savez, les petites poches de jus pour enfants, mais pour adultes dans ce cas-ci. Donc, ce sera accompagné de vodka, c'est de la limonade à la vodka. Parfait pour la plage, par exemple, ou n'importe quand, en fait. On dit ça, mais juste parce que ça fait beau à la plage. On dit de congeler ça et d'amener ça à la plage pour ensuite le défaire. Ça va faire de la slush ou ça va faire du liquide plus tard. Donc, on mélange de la vodka et de la limonade avec des tranches de citron pour faire des Capri Sun. On met ça dans un genre de sac Ziploc hermétique et évidemment étanche et solide. Pas des cheap, genre. Ensuite, on nous conseille de regarder le plancher proche du bar parce que les gens qui sont sous vont souvent échapper leur argent. Donc, il y a souvent de l'argent qui va traîner à côté du bar. Je sais pas. Moi, j'en ai jamais vu moi-même en personne, mais quand même. Ensuite, beaucoup de systèmes avec réponse automatique. Vous savez, vous appelez dans une compagnie, on tombe sur une genre de boîte vocale ou un système automatisé. Si vous commencez à sacrer, on nous dit que ça va faire qu'ils vont répondre parce qu'il y a un détecteur de sacre. Mais là, on parle des États-Unis, je sais pas si au Québec c'est la même chose, mais lâchez un shit fuck ou deux. Si tu graphines accidentellement un disque de Xbox, Ah, ça, c'est croche. C'est la crosse de la semaine. Je le conseille vraiment pas. Là. Je le précise quand c'est une crosse et que j'endosse pas ces propos-là, mais là, je le dis à la radio, fait que c'est comme l'endosser. Si tu graphies un disque de Xbox, on dit de louer une copie du jeu, l'installer sur ton disque dur, et ensuite, tu vas pouvoir quand même insérer ton disque qui est graffiné et booter dans la bibliothèque. Vous savez, sur Xbox, si vous avez une copie du jeu, vous pouvez booter le jeu. Du système. L'autre, dans les commentaires, dit d'échanger les disques pour ramener au club vidéo votre disque qui est scratché. Premièrement, ça ne fonctionnera pas. Deuxièmement, c'est croche. Je trouve que cette façon-là, genre semi-légale, zone grise, de ripper le disque de quelqu'un d'autre, mais tu as quand même la copie physique de ton propre disque. Moi, je vois ça comme quelque chose de correct parce que tu as droit à ton propre jeu. Si ton disque est graffiné, tu as quand même le droit d'y jouer. Ensuite, on dit de se stationner toujours proche d'une belle voiture. Hein? Donc, les chances sont, selon tout le monde ici, que les propriétaires des voitures qui sont vraiment belles, genre de l'année, etc., etc., veulent pas endommager leur voiture, donc ils vont faire plus attention pour ne pas te frapper, toi, quand ils vont sortir de leur stationnement. Donc, se stationner à côté de belles voitures. Si tu cherches de la nouvelle musique, tiens, cherche ton album préféré sur Amazon et vois ce que les gens ont acheté après avoir acheté cet album-là. Il y a tout le temps des articles achetés, genre ceux qui ont acheté cet article-là ont aussi acheté autre chose. Ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, on revient aux voitures. On nous dit d'essayer d'apprendre à conduire manuel parce que tu vas plus focusser sur la route, OK? Et les gens vont trouver ça cool parce que t'es une personne cool qui sait conduire manuel, tu sais. Et ta voiture a moins de chances de se faire voler parce que ta voiture est manuelle. Donc, les gens qui connaissent pas les voitures manuelles vont pas aller voler ces voitures-là. Donc, voiture manuelle. Ensuite de ça, toujours dans les instructions d'assemblage, où on vous dit un petit peu comment vivre votre vie grâce à Internet. Il nous en reste quelques derniers. Allons-y avec celui-là, tiens. Fais comme si tu savais ce que tu faisais dans n'importe quelle situation et 99% des gens vont te laisser tranquille parce que tu as l'air de savoir ce que tu fais. Ils te diront pas quoi faire parce que tu sais ce que tu fais. Moi, ouais, je trouve ça quand même sympathique. Tiens, quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, t'es pas obligé de le poster sur Facebook ou Twitter, genre « Hey, j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un ». Tu peux juste faire quelque chose de bien dans la vie pour te sentir bien. T'es pas obligé de le faire parce que tu veux te faire récompenser, parce que tu veux te faire, genre, faire donner une petite tape dans le dos, si on veut. Pour vrai. Ensuite, ah tiens, ça c'est quand même le fun, de prendre des bâtons genre de shish kebab pour enfiler des Oreos côté crème et tremper l'Oreo dans un verre de lait, les trois Oreos de suite, ça va te faire un genre de shish kebab d'Oreo. J'aime ça. Maintenant, tu sais, les punaises sur un genre de tableau de... Comment t'appelles ça? En tout cas, vous savez, de tableau qu'on met des punaises dedans, là, vous connaissez ça. Bref, c'est de coller les punaises à l'arrière d'une épingle à linge de bois, OK? Et ensuite, accrocher ces punaises-là sur le tableau de liège, qui est le mot que je cherchais il y a deux minutes. Et vous allez pouvoir accrocher des petites notes ou des feuilles de papier après ces épingles de bois-là qui vont être accrochées sur le tableau. C'est joli. Ensuite de ça, tiens, prenez une bouteille d'alcool, genre que vous avez eu en cadeau, n'importe quoi, du Jack Daniels. Ensuite, buvez l'alcool, évidemment, la meilleure étape ici. Achetez une bouteille de savon liquide et mettez le savon dans la bouteille d'alcool et replacez le bouchon. Souvent, ça va pouvoir visser dessus si vous avez bien matché votre bouchon et votre bouteille. Et ça va faire une belle pompe à savon, Jack Daniels. Pour vrai, c'est pas mal le fun, ça. Et tiens... Allons-y avec un dernier que j'aime beaucoup, celui-là. C'est des raccourcis clavier sur l'iPhone. Vous avez tous déjà remarqué qu'on pouvait écrire, mettons, dans le dictionnaire, et même que je crois qu'à la base, il est déjà là. Mettons, AJD. Quand tu tapes AJD, ça va devenir aujourd'hui. Mais tu peux en faire toi-même dans les options d'iPhone. Et par exemple, si tu réponds tout le temps les mêmes messages à ta copine, comme, mettons, elle est arrivée pour venir te chercher à la job, t'écris tout le temps « j'arrive », ben, tu pourrais avoir J-A-R, espace, ça tape « j'arrive ». Pourquoi pas qu'on fait des raccourcis clavier sur iPhone. C'est dans les options, dans Général, dans Clavier, et ensuite ajouter un nouveau raccourci. Voilà pour les instructions d'assemblage. Wow! Dans quelques instants, on parlera de sorties culturelles avec Joanie Gagnon et Alors on sort, mais pour l'instant, ceci. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis avec moi-même Mathieu Plante. Il est 8h59 et on accueille Joanie Gagnon. Salut Joanie. Salut, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça va très bien. Oui, on s'est ennuyé de toi la semaine passée. Oui, c'est oui. Vrai. Ça nous a manqué de ne pas savoir moi quoi aussi, faire. Moi aussi, je me suis ennuyé de vous. Ah, t'es fine! tiens. Ben, parlons-en encore plus, hein, parce que c'est ta chronique. Voici « Alors, on sort ». « Alors voilà, c'est alors on sort la chronique de sortie avec Joanie Gagnon. Oui, et pour commencer ça, pour débuter la fin de semaine qui s'en vient tranquillement, pas vite, avec podcast ce vendredi 22 novembre va être au Nord-Ouest Café. C'est 25$ à la porte, c'est à 21h et avec podcast qui se sont promenés un peu partout au Québec pour finalement s'arrêter à Trois-Rivières. Donc si vous avez envie d'aller voir ça, n'hésitez pas, c'est au Nord-Ouest Café. Sinon, une autre idée de sortie, c'est novembre, il fait froid, on a envie de se changer les idées, de ne pas penser à la fin de session qui arrive à grands pas. Il y a le cinéma La Tapis Rouge qui présente toujours du cinéma international et aussi qui accorde une place au cinéma québécois. Et d'ailleurs, un film québécois qui va être présenté en fin de semaine, c'est Amsterdam qui va être à l'affiche. Mais il y en a plusieurs autres aussi, juste aller voir sur leur site web pour avoir d'autres idées de films. C'est une idée... Une idée de sortie à faire en fin de semaine. Moi, c'est une belle place, pour vrai. Je suis allé récemment. C'est vraiment le fun. Et aussi, ce soir, jeudi le 21 novembre, à l'Embuscade, il va y avoir une soirée conférence. Donc, vous aurez la chance d'écouter le récit d'expédition de Jean-Mathieu Chénier, qui, grâce à son projet Un pas à la fois, a parcouru plus de 3000 km à pied lors d'un périple de randonnée pédestre de près de 7 mois. Donc, l'entrée est gratuite et par votre simple présence, vous serez éligible pour le tirage de l'un des 4 certificats cadeaux d'une valeur de 25$ au magasin de plein air Atmosphère. Donc, c'est à 19h30 et c'est présenté par l'équipe du QTR, donc le club plein air de l'université. Ils ont une chronique, le club plein air QTR, Assemblage requis. C'est les mardis à 8h aux 2 semaines. Donc, notez ça, c'est donc la semaine qui s'en vient juste là. D'accord, écoutez ça et c'est ça. Donc, ce jeudi 21 novembre à l'Embuscade, soirée conférence. Et aussi, toujours à l'Embuscade, mais par exemple, ce samedi 23 novembre, il va y avoir de posters qui vont être en show. C'est seulement 5$ et les portes ouvrent à 22h. Les affiches. Yes, the posters. The posters. Aussi, ce jeudi, ce soir, 21 novembre, et aussi samedi 23 novembre, donc deux dates, il va y avoir la pièce Les Immigrés de Camille Bergeron et Patrick Lacombe à la salle Louis-Philippe Poisson. Ça a l'air très drôle, c'est 18$ pour les adultes, 15$ pour les étudiants. On pense pas toujours d'aller au théâtre, mais ça peut être une bonne idée de sortie originale. C'est drôle, Camille Bergeron, c'est le nom de la fille Camille dans Radio Enfer, c'est Camille Bergeron, son nom. Mais c'est pas elle. C'est l'autre personnage. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ça doit pas être elle. Non, c'est ça. Oui. Et aussi, ce samedi 23 novembre, toujours, il va y avoir Steve Hill, Fabiola Toupin, Cindy Bédard et les frères Lemay, donc toutes des artistes de la région, qui vont s'unir pour la Fondation Tourniquet, qui est une fondation, un organisme de bienfaisance consacré au bien-être des enfants et des adolescents présentant un problème en santé mentale. Donc, c'est un spectacle qui va avoir lieu à la salle Thompson. C'est pour une bonne cause. C'est ce samedi 23 novembre à 20h et c'est au coût de 25$ si vous avez envie d'aller voir ça. C'est toutes des artistes de la région. Et c'est présenté par C'est fou 89 FM. Oui, toujours. Sinon, toujours ce samedi, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, il va y avoir le Grand Orchestre de la Mauricie qui va se joindre aux gagnants du concours vocal Voix en fête. Donc, les deux ensemble vont nous présenter plusieurs succès et les gagnants du concours vont être accompagnés par les 35 musiciens de l'orchestre du Grand Orchestre de la Mauricie. C'est à 20h et c'est ça, c'est à la salle Anaïs Allard-Rousseau au coût de 25$. Oui, c'est ça. Aussi, ce dimanche 24 novembre, c'est la journée porte ouverte du Musée québécois de culture populaire. Donc, une visite gratuite du musée et de la vieille prison. C'est pour souligner le 10e anniversaire du musée. Donc, je vous invite à une journée porte ouverte. Ce dimanche 24 novembre, c'est entre 10h et 17h. Vous pourrez découvrir les nouvelles expositions du musée. Et d'ailleurs, il y a plusieurs prix de présence si vous avez envie d'aller faire un tour. C'est une occasion de découvrir le musée puisque c'est gratuit. Oui. Et aussi, j'en parle tout de suite, mais c'est mercredi prochain, le 27 novembre, il va y avoir la première soirée cachée, c'est fou, de l'année. Oh, on ne sait pas encore c'est qui, malheureusement. On ne sait pas c'est qui, c'est une surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, il existe depuis 2011 et c'est des étudiants en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR qui organisent un spectacle mystère et dévoilent les infos petit à petit. Pour l'instant, on sait que la soirée va être le 27 novembre à 22h au pavillon Benjamin Sult, mais on ne sait pas encore c'est qui. C'est quand même deux gros facteurs. La date, c'est quand même important. Ouais. Et l'endroit où ça se passe, parce que ça change à chaque fois. C'est un endroit hétéroclite, là, vraiment. Tu peux c'est pas. Super cool, ouais. C'est vraiment le fun. Ça a déjà été sur la passerelle du pavillon de la santé. Ça a été dans le pavillon des pâtes et papiers avec un décor extraordinaire. Donc là, ça va être au pavillon Benjamin Sud. C'est le pavillon des arts. Si je me rappelle. Non, c'est. C'est Benjamin Sud. C'est pas bon. OK, cherche Benjamin ça. Sud. Vous allez y arriver. C'est ça, et on rappelle que dans le passé, les soirées, c'est vous avec Ayi, Fanny Bloom, Mauve Rouge Pompier, Olinia. Et on a créé un monstre et quelques autres. Donc ça vaut la peine. Souvenez-vous de ça, 27 novembre plutôt, donc mercredi prochain. C'est ça. Et je termine en rappelant aux étudiants de l'UQTR que c'est le temps d'inscrire à Université en spectacle qui va avoir lieu encore cette année au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et ce jusqu'au 17 janvier. Pour s'inscrire, c'est super simple. Vous allez sur le site d'Université en spectacle et le lien se trouve aussi sur la page Facebook. Vous avez seulement qu'à imprimer le formulaire, le remplir et venir le porter à la réception du service aux étudiants au 1275 Albert-Tessier. Et on se voit aux auditions, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est merveilleux, ça. Oui. Super. Ouais, ben on va aller entendre du Avec Podcast que tu as mentionné en début de chronique. Oui, pourquoi pas. On va aller entendre une pièce de leur plus récent album qui s'appelle Dommage que tu sois pris. L'extrait lui-même s'appelle Mon dos n'est pas une chaise et c'est une pièce qui est vétéran des palmarès. C'est fou. Une chaise, pourquoi tu t'assois dessus? De tout ton poids et de tout ton malaise, j'y ai comme perdu. Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous. Qui se referment comme des pièges derrière nous, comme des pièges derrière nous. Mon dos n'est pas une chaise, toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal, c'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges, tu mets des broches dans tous les coins. Drôle de manière d'avoir envie de rien, de nous le faire savoir. Mon dos n'est pas une chaise, comment faire pour te convaincre que l'univers comme où tu t'arrêtes, qu'il s'agrandisse en toi. Où nous les avions laissés, nos rêves jackés sur des blocs de ciment, nous les remettrons en état. Avec Podcast, qui est la pièce Mon dos n'est pas une chaise à Assemblage Requis. C'est dans la chronique Alors on sort avec Joanie Gagnon. Et rappelons le spectacle d'Avec Podcast. Oui, exactement. Ça va être ce vendredi 22 novembre au Nord-Ouest Café. C'est à 21h. Donc, si vous avez envie d'aller voir Avec Podcast, qui va être au Nord-Ouest. C'est merveilleux. Merci, Joanie Gagnon. Ça fait plaisir. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les jeudis à 9h ici à Assemblage Requis. Maintenant, ben tu sais, on était parti avec de la musique, puis c'était bien le fun, c'était cool. J'ai envie d'entendre une autre pièce, une de David Marin, qui était à Trois-Rivières récemment. Son album s'appelle Le choix de l'embarras, et on s'en va entendre son extrait du palmarès francophone. Il s'appelle Le vent vire. Ça se passe maintenant à Assemblage Requis, et après ça, on fait son foutu palmarès. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui tombe à l'automne, comme un matin de rentrée, un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui fait faux bon, me donne envie de plonger pour voir si dans le fond y a pas un escabeau monter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson.

Radical Face et la pièce Holy Branches sur l'album The Branches à son âge requis. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone que vous pouvez entendre cet après-midi, jeudi, entre 15h et 18h. C'est fou, avec Stéphanie Paradis et moi-même. On va rester dans les nouvelles entrées. Je sais pas, on n'a pas écouté les nouvelles entrées encore tant que ça cette semaine. Donc, on se gâte un petit peu en cette fin de semaine. L'émission est presque terminée, la semaine aussi. Donc, allons-y avec Janis et son nouvel extrait du palmarès franco. Sur C'est fou. Après ça, bon, on va se dire bye. Mais tu sais, gentiment. Au revoir, à bientôt, hein? Mais tantôt. Ce monde revenait, j'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. Un rythme effréné, j'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. Dans ton caravane, ciel sans étoiles, ni petit ni gros. Tout choqué des souillages tranquilles, même la patate jambouée. Et ta voix pour niger, yoga des comètes la cadence. Autour de Janis Plus sur le palmarès francophone, c'était la pièce Astéroïde à Assemblage Requis et c'est vraiment une bonne chanson. Encore une fois pour Janis, donc bravo. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve lundi. Avant ça, on va quand même remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. On parle de David Ferron avec La langue dans ton oreille, merci. François André avec le Congrès 101, merci. Johnny Gagnon avec Alors on sort, merci. Et lundi, on aura un joueur ou une joueuse de la Luître. Peut-être, avec une chronique d'improvisation dans les coulisses de la Luître. Ensuite, Laurent Constantin qui va venir nous parler d'actualité de l'UQTR avec Voyage au centre du campus. Et on va écouter de la musique pour étudier avec Maxime Tanguay. Et j'ai-tu le temps pour une chronique? C'est le plan de lundi, plan voulant dire. Ça devrait être ça. Restez sur nos ondes parce que dans quelques minutes, à 10h, sera les Belles et les Bêtes. Ensuite, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. À 15h, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour les Palmarès et Fou édition complète. Et puis plus tard en soirée, ce sera 13e étage, émission d'électro-jazz éclectique. Allez voir cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. Passez donc une bonne fin de semaine, s'il vous plaît. Hein? Tu sais, la semaine est presque finie. Jeudi, c'est nouveau vendredi. On sait, vendredi, on fait absolument rien. Hein? Fait que profitez-en. Puis une autre meilleure semaine la semaine prochaine. Bye!